Section 33 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 33. Mensonges par Paul Bourget. Chapitre 17. Évidence. Il y a dans cette affreuse maladie morale de la jalousie, des périodes délicieuses, celles de l'entre-deux, des accès. Pour quelques jours ou pour quelques heures, les sensations de l'amour reprennent leur divine saveur, comme celles de la vie dans une convalescence. Suzanne avait si bien convaincu René de la folie de ses soupçons qu'il voulut rivaliser de générosité avec elle. Cette permission d'aller rue Murillo, demandée si instamment, il refusa d'en profiter. Deux ou trois phrases prononcées, avec un certain regard et un certain tour de tête, prévaudront toujours contre les pires défiances d'un amant épris, à moins qu'il n'ait vu des yeux de sa tête une preuve de la trahison. Et encore. Mais ici, les éléments dont se composait ce premier soupçon étaient si fragiles, et ce fut avec une bonne foi absolue que le jeune homme dit à sa maîtresse elle-même, véritablement ravie de ce résultat inespéré, « Non, je n'irai pas chez toi. J'étais fou de vouloir rien changer à notre amour. Nous sommes si heureux dans ce mystère. » Oui. « Jusqu'à ce qu'un méchant te fasse douter de moi, » répondit-elle, « promets-moi seulement de tout me dire. »« Je te le jure, mon amour, » répliqua-t-il, « mais je te connais maintenant et je suis sûr de moi. » Il le disait et il le croyait. Suzanne le crut aussi et elle s'abandonna au charme de cette reprise de bonheur, tout en comprenant qu'elle aurait une seconde bataille à livrer lors du retour de Claude. Mais ce dernier pouvait-il en dire plus qu'il n'en avait dit? D'ailleurs, elle serait prévenue de ce retour par René. Et si la première entrevue des deux hommes n'aboutissait pas à une rupture définitive entre eux, il serait temps d'agir. Elle mettrait son amant en demeure de choisir entre briser avec Claude ou cesser de l'avoir. Elle était d'avance sûre de la réponse. Le poète, lui, malgré ses protestations, se sentait sans doute moins maître de lui, car son cœur battit avec une émotion singulière. Lorsque sa sœur lui dit à brûle-pourpoint, une semaine environ après la scène avec Suzanne, et comme il rentrait de la bibliothèque, Claude Larcher est revenu. « Et il a osé se présenter ici ?» s'écria René. « C'est moi qui l'ai reçu, » fit Émilie. Et visiblement embarrassée, elle ajouta. « Il m'a demandé quand il te trouverait. » « Il fallait lui répondre, « Jamais !» interrompit le jeune homme. « Ah, René !» répondit Émilie. « Un si vieil ami, et qui t'a été si bon, si dévoué. Est-ce que je pouvais ?» « J'aime mieux ne rien te cacher, » ajouta-t-elle. « Je lui ai demandé ce qu'il y avait entre vous. Il m'a paru si étonné, si douloureusement étonné. Non, cet homme-là n'a rien fait contre toi, René, je te le jure. C'est un malentendu. Je lui ai dit de venir demain matin, qu'il serait sûr de te trouver. De quoi te mêles-tu ? » reprit René avec emportement. « Est-ce que j'étais chargée de t'occuper de mes affaires ?»« Ah, comme tu me parles !» dit Émilie, que l'accent de son frère venait de percer au cœur, et les larmes lui étaient venues aux yeux. « Allons, ne pleure pas !» fit le frère honteux de sa brusquerie. « Cela vaut peut-être mieux ainsi. Je verrai Claude, je le lui dois. Mais ensuite, je ne veux plus jamais que son nom soit prononcé devant moi. Entends-tu ? Jamais. Jamais. » En dépit de cette apparente fermeté de rancune, le poète eut bien de la peine à s'endormir durant cette nuit qui le séparait de cette entrevue. Il ne doutait pas de l'issue, cependant. Mais il avait beau se raidir dans ses ressentiments contre son ancien ami, il ne pouvait arriver à le haïr. Il avait trop sincèrement aimé cet être singulier, si attachant, quand il ne déplaisait pas du premier coup, par sa bonne foi dans la mobilité, par son tour d'esprit original, par ses défauts mêmes qui ne faisaient de tort qu'à lui, et surtout par une espèce de générosité native, indestructible et invincible. Au moment de se séparer de lui pour toujours, René se rappelait la façon délicate dont l'écrivain connu avait accueilli ses premiers essais. Claude, alors très pauvre, était répétiteur à l'institution Saint-André, lorsque René lui-même y était écolier de sixième. Dans cette honnête et pieuse maison, une légende entourait ce professeur étrange. Des élèves prétendaient l'avoir rencontré, qui se promenait en voiture découverte, avec une femme très jolie et habillée de rose. Puis Claude avait disparu de la pension. René l'avait retrouvé, témoin de Fresno, lors du mariage d'Émilie, et à demi célèbre déjà. Ils avaient causé, Claude lui avait demandé à voir ses vers. Avec quelle indulgence de frère aîné, l'écrivain de 30 ans avait lu ses premiers essais. Comme il avait tout de suite traité son jeune confrère en égal. Avec quelle finesse de jugement il avait appliqué à ses ébauches les procédés de la grande critique, de celle qui encourage un auteur et lui indique ses fautes sans l'en écraser. Et puis, était survenue l'histoire du Sigisbée, à l'occasion duquel Claude s'était dévoué à René, comme si lui-même n'eût pas été auteur dramatique. Le poète connaissait assez la vie littéraire pour savoir que la simple bienveillance d'une génération à la suivante est chose rare. Son rapide succès lui avait déjà fait éprouver cette sensation, la plus amère peut-être des années d'apprentissage. L'envie rencontrée chez les maîtres que l'on admire le plus, à l'école desquels on s'est formé, à qui l'on voudrait tant offrir son brin de laurier. Chez Claude Larcher, le goût du talent des autres était aussi instinctif, aussi vivant que s'il n'eût pas eu déjà 15 années de plume. Et cette amitié plus que précieuse, unique, pour ainsi dire, allait sombrer. Mais était-ce sa faute à lui, René, qui se retournait dans son lit, prenant et reprenant ses souvenirs l'un après l'autre? Pourquoi Larcher avait-il parlé à l'atroce Colette comme il avait fait? Pourquoi avait-il trahi son jeune ami, son frère cadet? Pourquoi? Cette douloureuse question conduisait René à des idées dont il se détournait instinctivement. Le célèbre calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose, de Basile, traduit une des plus tristes et des plus indiscutables vérités sur le cœur humain. Certes, René, ce serait méprisé de douter de Suzanne après leur explication, mais il y a un résidu empoisonné de méfiance que laisse dans l'âme tout soupçon, même dissipé. Et si le jeune homme avait osé regarder jusqu'au fond de son être, il en aurait trouvé la preuve dans la curiosité maladive qu'il ressentait d'apprendre par Claude lui-même les raisons complètes de la mensongère accusation lancée contre Suzanne. Cette curiosité, les réminiscences d'une si longue liaison, une espèce d'appréhension de revoir un homme qui, par sa situation d'aîné, avait toujours eu barre sur lui, si l'on peut dire, tout contribuait à diminuer la colère du poète. Il s'efforçait de la retrouver en lui, comme au soir où il arpentait l'avenue de l'Opéra, en sortant de la loge de Colette, et il ne pouvait pas. comme tous les gens qui se savent faibles. Il voulut mettre tout de suite quelque chose d'irréparable entre lui et Claude. Et quand ce dernier, introduit par Françoise, dès les 9 heures du matin, s'approcha les mains tendues avec un « bonjour, René », le poète garda sa main, à lui, dans sa poche. Les deux hommes restèrent un moment debout, en face l'un de l'autre, et très pâles. Le visage de l'archer, hâlé par le voyage, offrait cette physionomie contractée qui révèle les ravages de l'idée fixe. Sous le coup de l'outrage, ses yeux s'étaient enflammés de rage. René le connaissait, emporté jusqu'à la folie, et il put croire que cette main dont il avait refusé l'étreinte se lèverait pour un soufflet. La volonté fut plus forte que l'orgueil blessé, et Claude reprit, d'une voix où tremblait la fureur contenue. « Ah, Vinci, ne me tentez pas. Mais non, vous êtes un enfant. C'est à moi d'avoir de la raison pour deux. Allons, allons. Écoutez, René, je sais tout. Vous comprenez, tout. Oui, tout. Je suis venu hier. Votre sœur m'a dit que vous étiez brouillé avec moi, et bien d'autres choses qui ont commencé de m'éclairer. Votre silence m'avait frappé au cœur. Je vous avais cru l'amant de Colette, la misérable. Elle n'a heureusement pas deviné que c'était là le point où m'atteindre. En sortant de chez vous, j'ai couru chez elle. Je l'ai trouvée, et seule. J'ai appris là l'infamie qu'elle avait commise et ce qu'elle vous avait dit dans sa loge. Elle triomphait, la coquine. Alors j'ai pris le vrai parti. Et il se mit à marcher de long en large dans la chambre, absorbé dans le souvenir de la scène qu'il évoquait, et comme oublieux de son interlocuteur. Je l'ai battu, mais battu, comme un manant, que cela m'a fait du bien. Je l'avais jeté par terre, et je frappais. Elle criait, « Pardon, pardon !» Ah, je l'aurais tué, avec délice. Et qu'elle était belle avec ses cheveux défaits, ses seins qui sortaient de sa robe de chambre déchirée. Elle s'est roulée à mes pieds ensuite, mais c'est moi qui n'ai pas voulu et qui suis partie. Elle pourra montrer les noirs de son corps à son amant de cette nuit et raconter qui les lui a fait. Que cela soulage quelquefois d'être une brute. Puis, s'arrêtant brusquement en face de René, et tout cela, parce qu'elle avait touché à vous, oui ou non, insista-t-il avec son même accent de colère. Est-ce à cause de ce que vous a dit cette fille que vous êtes brouillée avec moi? C'est à cause de cela, répondit René froidement. Très bien, reprit Claude en s'asseyant. Alors, nous pouvons causer. Pas de malentendu entre nous, n'est-ce pas? Vous me permettrez donc de mettre tous les points sur les i. Si j'ai bien compris, cette gredine de Colette vous a dit deux choses. Procédons par ordre. Voici la première. Je lui aurais raconté que vous êtes l'amant de Madame Morène. Excusez-moi, insista-t-il sur un geste du poète, de vous à moi. Et quand il s'agit de notre amitié, je me moque des imbéciles conventions du monde qui défendent de nommer une femme. Je ne suis pas du monde, moi, et je la nomme. Première infamie. Colette vous a menti. Je lui avais dit ceci exactement. Je me rappelle ma phrase, comme si c'était d'hier. Je regrettais mes paroles en les prononçant. Je crois que le pauvre René devient amoureux de Madame Morène. Je ne savais rien que votre émotion quand vous m'aviez parlé de cette femme. Mais Colette, vous avez vu soupant à côté d'elle et très empressée. Nous avons plaisanté, comme on plaisante sur ces hypothèses-là, sans y attacher d'autre importance, moi du moins. C'est égal, vous étiez mon ami. Votre sentiment pouvait être sérieux, il était. J'ai eu tort, et je vous en demande pardon. Là, franchement, et malgré l'affront que vous venez de m'infliger, sur la foi de la dernière des filles, à moi votre meilleure, votre plus vieille amie. » Mais malheureux, s'écria René, puisque vous saviez, vous, que c'était une fille, pourquoi m'avez-vous vendue à elle? Et encore, si vous n'aviez parlé que de moi, je vous pardonnerais. » Passons à ce second point, interrompit Claude, rendu à lui-même par l'exaltation de son ami, c'est-à-dire au second mensonge. Elle vous a dit que je lui avais appris les relations de Madame Morène et de Deforges. C'est faux. Elle les savait depuis longtemps, par tous les Salvanais avec qui elle a dîné, soupé, flirté et le reste. Non, René, s'il y a un reproche que je m'adresse à moi, ce n'est pas d'avoir causé de Madame Morène avec elle. Je ne lui en ai rien dit, qu'elle ne connût mieux que moi. C'est de ne pas en avoir causé à cœur ouvert avec vous, lorsque vous êtes venu chez moi. Je n'ignorais rien des turpitudes de cette Marneffe du monde, et je ne vous les ai pas dénoncées quand il en était temps encore. Oui, je devais parler. Je devais vous avertir, vous crier, courtiser cette femme. Séduisez-la, voyez-la, ne l'aimez pas. Et je me suis tue. Ma seule excuse, c'est que je ne la jugeais pas assez désintéressée pour entrer dans votre vie comme elle l'a fait. Je me disais, René n'a pas d'argent, il n'y a pas de danger. Ainsi, s'écria René, qui se contenait à peine depuis que Claude avait commencé à parler de Suzanne en de pareils termes. Vous croyez aux infamies que Colette m'a rapportées sur Madame Morène et le baron Desforges. Si j'y crois, répondit l'archer en regardant son ami avec étonnement, est-ce que je suis un homme à inventer une histoire comme celle-là sur une femme? Lorsqu'on a fait la cour à cette femme, dit le poète en prononçant ces mots très lentement et leur donnant l'intonation du plus pur mépris, et qu'elle vous a repoussé, c'est bien le moins pourtant qu'on la respecte. Moi, s'écria Claude, moi, j'ai fait la cour à Madame Morène, moi. Je comprends, elle vous l'a dit. Il éclata de son rire nerveux. Quand nous racontons de ces traits-là dans nos livres, on nous accuse de les calomnier, les gueuses, comme si c'était possible de calomnier ce sexe infâme. Toutes les mêmes. Et vous l'avez cru? Vous avez cru cela de moi, Claude Larcher, cette turpitude que je déshonorais une honnête femme par vengeance d'amour-propre blessé? Voyons, René, regardez-moi bien en face. Est-ce que j'ai la figure d'un hypocrite? Est-ce que vous m'avez jamais connue telle? Vous ai-je prouvé que je vous aimais? Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur que celle-là vous a menti comme l'autre. Elle a voulu nous brouiller comme l'autre. Ah, les coquines! Et j'étais là-bas, je mourais de douleur et pas un mot de pitié parce que, qu'entre deux baisers, cette drôlesse, pire que les autres, m'avait accusé d'une saleté. Oui, pire que les autres. Elles se vendent pour du pain. Et c'est là pourquoi, pour un peu de ce misérable luxe des gens du monde d'aujourd'hui. Taisez-vous, Claude, taisez-vous, dit René d'une voix terrible. Vous me tuez. Une tempête de sentiments s'était déchaînée en lui, soudaine, furieuse, irrésistible. Il ne doutait pas que son ami ne fût sincère, et cette sincérité, jointe à l'accent de conviction avec lequel Claude avait parlé de Desforges, imposait au malheureux amant une vision de la fausseté de Suzanne, si douloureuse qu'il ne put pas la supporter. Il ne se possédait plus, et s'élançant sur son cruel interlocuteur, il le saisit par les parements de son veston et les lui secoua si fort qu'un morceau de l'habit se déchira. Quand on vient raconter des choses pareilles à un homme sur la femme qu'il aime, on lui en donne des preuves. Entendez-vous? Des preuves. Des preuves. Vous êtes fou, repartit Claude en se dégageant. « Des preuves ? Mais tout Paris vous en donnera, mon pauvre enfant. Ce n'est pas une personne, c'est 10, c'est 20, c'est 30 qui vous raconteront qu'il y a 7 ans les Morennes étaient ruinées. Qui a placé Morennes dans une compagnie d'assurance ? Desforges, qui est administrateur de cette compagnie, comme il est administrateur du Nord, député, ancien conseiller d'État, que sais-je. Mais c'est un personnage énorme que Desforges, sans qu'il en ait l'air, et qui peut suffire à bien d'autres dépenses. Qui trouvez-vous là, quand vous allez rue Murillo ? Desforges. Quand vous rencontrez Madame Morennes au théâtre ? Desforges. Et vous croyez que le gaillard est un homme à filer l'amour platonique avec cette femme jolie et mariée à ce coq-bain de mari ? C'est bon pour vous et moi, ces bêtises-là. Mais un Desforges, ah ! Ça, où avez-vous donc vos yeux et vos oreilles quand vous êtes chez elle ? Je n'y suis allée que 3 fois, dit René. Que 3 fois ? Répéta Claude, et il regarda son ami. Les plaintives confidences d'Émilie, la veille, ne lui avaient laissé aucun doute sur les rapports de Suzanne et du jeune homme. Cette imprudente exclamation lui fit entrevoir quel caractère singulier ces rapports avaient dû revêtir. « Je ne vous demande rien, » continua-t-il. « Il est arrêté que l'honneur nous ordonne de nous taire sur ces femmes-là, comme si l'honneur véritable ne consisterait pas à dénoncer au monde entier leur infamie. On épargnerait tant d'autres victimes. Des preuves. Vous voulez des preuves ? Mais cherchez-en vous-même. Je ne connais que 2 moyens pour savoir les secrets d'une femme. Ouvrir ses lettres ou la faire suivre. Soyez tranquille. Madame Morennes n'écrit jamais. Faites-la filer. Mais c'est ignoble ce que vous me conseillez là, s'écria le poète. Il n'y a rien de noble ou d'ignoble en amour, répliqua l'archer. Moi qui vous parle, je l'ai bien fait. Oui, j'ai mis des agents aux trousses de Colette. Une liaison avec une coquine. Mais c'est la guerre au couteau. Et vous regardez si le vôtre est propre. Non, non, répondit René en secouant la tête. Je ne peux pas. Alors, suivez-la vous-même, continua l'implacable logicien. Je connais mon Desforges. C'est un type, ne vous y trompez pas. Je l'ai pioché autrefois, quand je croyais encore à cette sottise, l'observation, pour avoir du talent. Cet homme est un étonnant mélange d'ordre et de désordre, de libertinage et d'hygiène. Leurs rendez-vous doivent être réglés, comme tout dans sa vie. Une fois par semaine, et à la même heure, pas trop près du déjeuner, ça troublerait sa digestion. Pas trop près du dîner, ça gênerait ses visites, sa séance au cercle. Espionnez-la donc. Avant 8 jours, vous saurez à quoi vous en tenir. Je voudrais vous dire que j'ai des doutes sur l'issue de cette enquête. Ah, mon pauvre enfant, et c'est moi qui vous ai jeté dans cette fange. Vous aviez une vie si heureuse ici, et je suis venu vous prendre par la main pour vous mener dans ce monde infâme où vous avez rencontré ce monstre. Et si ce n'avait pas été celle-là, ça aurait été une autre. Tous ceux que j'aime, je leur fais du mal. Ah, René, dites-moi que vous me pardonnez. J'ai besoin de votre amitié, voyez-vous. Allons, un bon mouvement. Et comme Claude tendait les mains au jeune homme, ce dernier les prit, les serra de toute sa force et se laissa tomber sur un fauteuil, le même où Suzanne s'était assise, en fondant en larmes et s'écriant. « Mon Dieu, que je souffre !» Claude avait donné 8 jours à son jeune ami. 4 ne s'étaient pas écoulés que René arrivait à l'hôtel Sainte-Euverte, par une fin d'après-midi, si pâle, si défait, que Ferdinand ne put se retenir d'une exclamation en lui ouvrant la porte. « Ah, monsieur Vinci !» dit le brave domestique. « Vous allez donc être comme monsieur, à vous brûler le sang. »« Mon Dieu, que se passe-t-il » s'écria Claude, quand René entra dans le fameux souffroir. L'écrivain était assis à sa table, qui travaillait en fumant. Il jeta sa cigarette et son visage exprima l'anxiété la plus vive. « Vous aviez raison, » dit René d'une voix étranglée. « C'est la dernière des femmes. »« L'avant-dernière, » interrompit Claude avec amertume, et parodiant le mot célèbre de Champfort. « Il ne faut pas décourager Colette. Mais qu'avez-vous fait ?»« Ce que vous m'avez conseillé, » répondit René, avec une âpreté d'accent singulière. « Et c'est moi qui viens vous demander pardon d'avoir douté de vous. Oui, je l'ai épié. Ah, quelle sensation ! Un jour, deux jours, trois jours, rien. Elle a fait des visites, couru des magasins, mais des forges, est venu rue Murillo, chacun de ces jours-là. Quand je le voyais entrer, du fond de mon fiacre, qui stationnait au coin de la rue, j'avais des sueurs d'agonie. Enfin, aujourd'hui, à 2 heures, elle sort en voiture. Mon fiacre la suit. Après 2 ou 3 courses, sa voiture arrête devant Galignani. Vous savez, le libraire anglais, sous les arcades de la rue de Rivoli. Elle en descend. Je la vois qui parle à son cocher et le coupé qui repart à vide. Elle marche quelques pas sous les arcades. Elle avait une toilette sombre. Ah, je la lui connais, cette toilette. Mon cœur battait. J'étais comme fou. Je sentais que je touchais à une minute décisive. Je la vois qui disparaît sous une porte cochère. J'y entre après elle. Je me trouve dans une grande cour, avec une pièce de passage à l'autre extrémité. La maison avait une autre sortie, rue du Mont Tabor. Je fouille du regard cette dernière rue. Non, elle n'aurait pas eu le temps de filer. À tout hasard, je m'installe, surveillant la porte. Si elle avait là un rendez-vous, elle ne sortirait point par où elle était entrée. J'ai attendu 1 heure et quart, dans une boutique de marchands de vin, juste en face. Au bout de ce temps, je l'ai vue reparaître, un double voile sur la figure. Ah, ce voile et cette démarche, c'est comme la robe, je m'y connais trop pour m'y tromper. Elle était sortie, elle par la rue du Mont Tabor. Son complice devait sortir par la rue de Rivoli. J'y cours. Après 1 quart d'heure, la porte s'ouvre. Et je me trouve face à face. Vous devinez avec qui ? Avec Desforges. Cette fois, je la tiens, la preuve. Ah, la coquine ! Mais non, répondit Claude. C'est une femme, et toutes se valent. Voulez-vous que je vous rende confidence pour confidence ? C'est-à-dire, honneur pour honneur. Vous savez comme Colette me traitait, quand je lui mendiais un peu de pitié ? Je l'ai battue l'autre soir, comme un goujat. Et voici ce qu'elle m'écrit. Tenez. Et il tendit à son ami un billet qu'il avait ouvert devant lui sur sa table. René le prit machinalement et il put lire les lignes suivantes. 2 heures du matin. Tu n'es pas venue, mamie, et je t'ai attendue jusqu'à maintenant. Je t'attendrai encore aujourd'hui toute la journée et ce soir chez moi, depuis l'heure où je rentrerai du théâtre. Je suis de la première pièce et je me dépêcherai. Je t'en supplie, viens m'aimer. Pense à mes yeux, pense à mes cheveux blonds, pense à nos baisers. Pense à celle qui t'adore, qui ne peut se consoler de t'avoir fait de la peine et qui te veut, comme elle t'aime, follement. Ta petite Colette. Pour une lettre d'amour, c'est une lettre d'amour, hein ? Dit l'archer. Avec une espèce de joie féroce. C'est plus cruel que le reste d'être aimé, ainsi parce que l'on s'est conduit en Alphonse. Aussi, je n'en veux plus, ni d'elle, ni d'aucune autre. Je hais l'amour maintenant, et je vais m'amputer le cœur. Faites comme moi. Est-ce que je le peux ? Répondit René. Ah, vous ne savez pas ce que cette femme était pour moi. Et tout d'un coup, s'abandonnant à toutes les fureurs de la passion qui grondait en lui Il commença de gémir, la face convulsée, versant des pleurs, tordant ses mains. « Vous ne le savez pas, ni combien je l'ai aimée, ni combien j'ai cru en elle, ni ce que je lui ai sacrifié. » Et puis cette chose hideuse, elle, dans les bras de ce vieillard. Ah ! Et il fut comme secoué par une nausée. Elle m'aurait trompé avec un autre seulement, avec un homme à qui je pourrais penser avec haine, avec rage, mais sans ce dégoût. Voyez, je ne peux même pas être jaloux de celui-là. Pour de l'argent, pour de l'argent. » Et se levant et prenant les bras de Claude avec frénésie, « Il est administrateur du Nord, vous me l'avez dit. Eh bien, savez-vous ce qu'elle m'a proposé l'autre jour, cette femme ? De me faire gagner de l'argent d'après ses conseils. Moi aussi, j'aurais été entretenue par des forges. C'est tout naturel, n'est-ce pas ? Que le vieux paye tout, et la femme, et le mari, et l'amant de cœur. Ah, si je pouvais ! Elle va être à l'opéra ce soir. Si j'y allais, si je la prenais par les cheveux, et si je lui crachais au visage, là, devant son monde, en leur criant à tous qu'elle est une fille, la plus dégradée, la plus malpropre des filles. » Puis se laissant retomber sur sa chaise et fondant en larmes, « Elle m'a pris, et vous aviez vu, heure par heure. Ah, vous m'aviez bien dit de me méfier des femmes. Mais quoi ? Vous aimiez une Colette, une actrice, une créature qui avait eu des amants avant vous, au lieu qu'elle. Il n'y a pas une ligne de son visage qui ne jure que c'est impossible, que j'ai rêvé. C'est comme si j'avais vu mentir les anges. Oui, je l'ai vue, je le sais. » Elle descendait ce trottoir de la rue du Mont-Tabor avec ce même pas. Pourquoi ne lui ai-je pas couru dessus ? Là, dans cette rue, à deux pas de cette porte infâme, je l'aurais étranglée de mes mains, comme une bête. Ah, Claude, mon bon Claude, et moi qui ai pu vous en vouloir à cause d'elle. Et l'autre, j'ai marché sur le plus noble cœur, je l'ai piétiné pour marcher vers ce monstre. Ce n'est que justice, j'ai tout mérité. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la nature qui puissent produire de pareils êtres. Longtemps, longtemps cette lamentation continua. Claude l'écoutait, la tête appuyée sur sa main, sans rien répondre. Il avait souffert, et il savait que de crier sa souffrance soulage. Il plaignait le malheureux enfant qui sanglotait de tout son cœur, et l'analyste lucide qui était en lui ne pouvait se retenir d'observer la différence entre la sorte de désespoir propre au poète et celui qu'il avait éprouvé lui-même, tant de fois, dans des circonstances semblables. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais, même à ses pires heures, agonisé ainsi sans se regarder mourir, au lieu que René lui donnait le spectacle d'une créature vraiment jeune et sincère, qui ne tient pas le miroir à la main pour y étudier ses larmes. Ses étranges réflexions sur la diversité de la forme des âmes ne l'empêchèrent pas d'avoir mieux qu'une sympathie, une émotion profonde dans la voix, pour reprendre enfin lorsque René s'arrêta de sa plainte. Notre cher Henri, haine l'a dit, l'amour, c'est la maladie secrète du cœur. Vous en êtes à la première période d'invasion. Voulez-vous le conseil d'un vétéran du lazaret ? Bouclez votre mal et mettez des lieux entre vous et cette Suzanne. Un joli nom, une Suzanne qui se fait payer par ses vieillards. À votre âge, vous guérirez vite. J'ai bien guéri, moi. Si je sais comment et quand, par exemple, j'en suis encore stupéfiée. Mais voilà 3 jours. Que je n'aime plus Colette. En attendant, je ne veux pas vous laisser seule. Venez dîner avec moi. Nous boirons sec et nous ferons de l'esprit. Cela venge des misères du cœur. René était tombé, au sortir de sa lamentation, dans cette espèce de coma moral qui succède aux grands éclats de douleur. Il se laissa conduire comme un halluciné par la rue du Bac, puis la rue de Sèvres et le boulevard jusqu'à ce restaurant L'Avenue, qui fait le coin de la gare Montparnasse et que hantèrent longtemps plusieurs peintres et sculpteurs célèbres de notre époque. Les deux écrivains s'installèrent dans un cabinet particulier que demanda Claude et sur la glace duquel il retrouva bien vite le nom de Colette gravé gauchement entre des vingtaines d'autres. Il montra ce souvenir d'ancienne soirée à son ami, puis, se frottant les mains et répétant « Il faut ironiser son passé ». Il ordonna un menu des plus compliqués, demanda deux bouteilles de vin, le plus vieux, et durant tout le dîner, il ne cessa d'émettre ses théories sur les femmes, tandis que son compagnon mangeait à peine et regardait dans son souvenir le divin visage auquel il avait tant cru. Était-ce bien possible qu'il ne rêvât point que sa Suzanne fût une de celles dont Claude parlait avec tant de mépris ? Surtout, disait ce dernier, ne vous vengez pas. La vengeance sur l'amour, voyez-vous, c'est comme de l'alcool sur du punch qui brûle. On s'attache aux femmes par le mal qu'on leur fait, autant que par celui qu'elles nous font. Imitez-moi, pas le moi d'autrefois, celui d'aujourd'hui, qui boit, qui mange, qui se moque de Colette, comme Colette s'est moquée de lui. L'absence et le silence, voilà l'épée et le bouclier dans cette bataille. Colette m'écrit, je ne lui réponds pas. Elle est venue rue de Varennes, porte close. Où je suis, ce que je fais, elle n'en sait rien. Voilà qui les enrage plus que tout le reste, une supposition. Vous partez demain pour l'Italie, l'Angleterre, la Hollande, à votre choix. Suzanne est là, qui vous croit en train de communier pieusement sous les espèces de ses mensonges. Et vous êtes, vous, dans votre angle de wagon, à regarder fuir les fils du télégraphe et à vous dire « À deux de jeu, mon ange !» Et puis, dans 3 jours, dans 4 ou dans 5, l'ange commence à s'inquiéter. Il envoie un domestique avec un billet rue Coëtlogon et le domestique revient. Monsieur Vinci est en voyage, en voyage. Et les jours se succèdent et Monsieur Vinci ne revient pas. Il n'écrit pas. Il est heureux ailleurs. Ah, que je voudrais être là pour voir la tête du Desforges quand elle passera sur lui sa colère, car avec ses équitables personnes, c'est toujours à celui qui reste de payer pour celui qui s'en va. Mais qu'avez-vous ? Rien, dit René, à qui Claude venait de faire mal en prononçant le nom haï du baron. Je pense que vous avez raison, et je partirai demain sans l'avoir revu. C'est sur une phrase pareille que les deux amis se séparèrent. Claude avait voulu reconduire son ami jusqu'à la rue Coëtlogon. Il lui serra la main devant la grille en lui répétant « J'enverrai Ferdinand savoir demain matin quand vous partez. Le plus tôt sera le mieux. Et sans la revoir, surtout sans la revoir. » « Soyez tranquille, » répondit René. « Le pauvre enfant, » songea Claude en remontant la rue d'Assas. Il marchait lentement du côté des fiacres qui stationne le long de l'ancien couvent des Carmes, au lieu de reprendre le chemin de sa propre maison. Il se retourna pour vérifier si réellement son compagnon avait disparu. Il s'arrêta quelques minutes, en proie à une visible hésitation. Il regarda le cadran de la guérite de l'inspecteur et put y voir que l'aiguille marquait 10h15. Le théâtre commence à 8h30. Le temps de changer de costume. Bah, continua-t-il tout haut, en se parlant à lui-même, je serais trop bête de manquer une nuit pareille. Cocher, cocher. Et il réveilla l'homme endormi sur le siège du fiacre, dont le cheval lui avait semblé le plus rapide. Rue de Rivoli, au coin de la statue de Jeanne d'Arc. Et allez bon train. Le fiacre détala et croisa le coin de la rue Coët-Logo. « Il pleure maintenant, » se dit Claude. « S'il me voyait, tout de même. » Il ne se doutait guère qu'à peine rentré chez lui, le jeune homme avait demandé à sa sœur stupéfiée qu'on lui préparât son costume de soirée. La pauvre Émilie, ayant voulu l'interroger, avait été accueillie par un « Je n'ai pas le temps de causer », si sec et si dur qu'elle n'avait pas osé insister. C'était un vendredi, et René, comme il l'avait dit à Claude, savait que Suzanne était maintenant à l'opéra. Il avait calculé que c'était sa soirée de quinzaine. Pourquoi l'idée de la revoir sans plus tarder s'était-elle emparée de lui avec tant de force qu'il bouscula sa sœur tour à tour et Françoise? Allait-il réaliser sa menace et insulter sa perfide maîtresse en public? Ou bien voulait-il repaître ses yeux de cette beauté cimenteuse une dernière fois avant son départ? Il avait pu, l'autre semaine, quand il allait au gymnase après l'entretien avec Colette, se raisonner et discuter son soudain projet. L'analogie extérieure de cette démarche avec celle d'aujourd'hui lui fit mieux sentir, tandis que la voiture l'emportait vers l'opéra. Combien tout avait changé en lui et autour de lui, et en si peu de temps. Avec quelle espérance il se rendait au théâtre alors, et maintenant, sur quelle pensée de désespoir? Et pourquoi? Il se posa cette question en montant les marches de l'escalier, mais il se sentait poussé par une force supérieure à tout calcul, à tout désir. Depuis qu'il avait vu Suzanne entrer dans la maison de la rue du Mont-Tabor et en sortir, il agissait comme un automate. Lorsqu'il s'assit dans son fauteuil d'orchestre, le ballet de Faust que l'on donnait ce soir-là était sur le point de s'achever. La première impression de la musique sur ses nerfs tendus fut un attendrissement presque morbide, et des larmes affluèrent à ses yeux, si abondantes qu'elles brouillèrent le verre de sa lorgnette, quand il la braqua sur la portion de la salle où se trouvait la baignoire de Suzanne. Cette baignoire où elle lui était apparue, si divinement pudique et jolie, au lendemain de la soirée, chez la comtesse Komoff, ni plus pudique, ni plus jolie que maintenant. Elle se tenait sur le devant de la baignoire, tout en bleu cette fois, avec des perles autour de son cou délicat et des diamants dans ses cheveux blonds. Une autre femme, que René n'avait jamais vue, était assise auprès d'elle, brune et tout en blanc, et trois hommes se tenaient dans l'ombre de la loge. L'un était inconnu du poète, les deux autres étaient Morène et Desforges. Oui, le malheureux les tenait tous les trois sous ses yeux. Cette femme vendue à ce vieillard et ce mari qui en profitait. Du moins René le croyait ainsi. Ce tableau d'infamie changea son attendrissement en fureur. Tout se réunissait pour l'affoler. L'indignation de rencontrer cette grâce idéale sur le visage de cette Suzanne qui cet après-midi encore s'échappait furtivement d'un rendez-vous immonde. La jalousie physique portée à son comble par la présence du rival heureux. Enfin, une espèce d'impuissante humiliation à retrouver cette trompeuse maîtresse, heureuse, admirée, dans tout l'éclat de sa royauté mondaine, tandis qu'elle était là, lui, sa victime, à mourir de douleur, sans l'avoir châtiée. Le ballet finit, et quand l'entracte commença, René en était arrivé à cette crise de la colère que le langage quotidien appelle si justement la rage froide. Dans ces minutes-là, et par un contraste analogue à celui qui s'observe dans certains accès de folie lucide, la frénésie de l'âme s'accompagne d'une complète domination des nerfs. L'homme peut aller et venir, sourire et causer. Il a toutes les apparences du calme. Et au-dedans de lui, c'est un tourbillon d'idées meurtrières. Les pires audaces alors semblent toutes naturelles, et aussi les pires cruautés. Une idée avait traversé le cerveau du poète. Aller dans cette loge où trônait Madame Morène et lui dire tout son mépris. Comment ? Il ne s'en inquiétait guère. Ce qu'il savait, c'est qu'il lui fallait se soulager, quoi qu'il dût en résulter. En suivant le couloir, à ce moment rempli d'élégants de tous âges, il était à ce point aliéné de lui-même qu'il heurta plusieurs personnes, sans seulement y prendre garde, et prononcer un mot d'excuse. Il demanda enfin à l'ouvreuse de lui indiquer la 6e baignoire, à partir de l'avant-scène à droite. « Celle de monsieur le baron des Forges ?» demanda cette femme. « Parfaitement, répondit-il. Il paye aussi la loge, pensa-t-il. C'est trop naturel. » Mais déjà la vieille femme lui avait ouvert la porte. Il avait traversé le petit salon qui précédait la loge proprement dite. Et il voyait Morène se retourner, lui sourire avec sa franche et simple physionomie. Et l'excellent homme lui secouait la main à l'anglaise, en lui disant, comme s'ils fussent habitués à se rencontrer chaque jour. « Vous allez bien ?» Et se tournant vers sa femme qui avait aperçu René, sans que rien sur son visage marqua le moindre étonnement. « Ma bonne amie, fit-il, monsieur Vinci. « Mais je n'ai pas oublié monsieur, répondit Suzanne, en saluant le visiteur d'une gracieuse inclinaison de la tête. « Bien qu'il paraisse, lui, m'avoir oublié. » La parfaite aisance avec laquelle cette phrase fut prononcée, le sourire qui la souligna, l'obligation honteuse de serrer la main à ce mari qu'il considérait comme une espèce de souteneur et de saluer le baron des Forges en même temps que les autres, personnes présentes dans la loge, tous ces petits détails contrastaient trop fortement avec la fièvre intérieure du jeune homme pour qu'il n'en demeurât pas quelques minutes comme déconcerté. La vie mondaine est ainsi. Des scènes tragiques s'y produisent, mais sans éclat, et parmi les fausses amabilités des conversations, les habituels compromis des manières et le futile décor du plaisir. Morène avait offert un siège à René derrière Suzanne, et celle-ci l'interrogeait sur ses goûts musicaux, avec autant d'apparente indifférence que si cette visite n'eût pas eu pour elle une signification redoutable. Desforges et Morène causaient avec l'autre dame, et René les entendait faire des remarques sur la composition de la salle. Il n'était pas habitué, lui, à cette maîtrise de soi qui permet aux femmes du monde de parler chiffon ou musique avec une dévorante anxiété au fond de leur cœur. Il balbutiait des réponses aux phrases de Suzanne sans comprendre lui-même ce qu'il disait. À une seconde, et comme elle se penchait un peu de son côté, il respira le parfum d'héliotrope qu'elle employait d'ordinaire. Cette impression remua en lui le souvenir des baisers qu'il avait donnés à cette femme. Il osa la regarder. Il vit ses lèvres délicates, ce teint rosé, ses prunelles bleues, ses épaules et cette gorge où sa bouche avait erré, dont ses mains retenaient dans leurs paumes la forme divine. Ses yeux exprimèrent alors une sorte de sauvage délire dont Madame Morène eut presque peur. Elle avait bien compris, rien qu'à l'apparition du jeune homme, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Mais elle était sous le regard de Desforges, et il s'agissait de ne pas commettre une seule faute. D'autre part, la moindre imprudence de René pouvait la perdre. Toute sa vie dépendait d'un geste, d'un mot du jeune homme, et elle le savait si instinctif qu'il était capable de prononcer ce mot, de faire ce geste. Elle prit son éventail et son mouchoir de dentelle qu'elle avait posé sur le devant de la loge, et elle se leva en passant la main sur son front. « J'ai trop chaud ici, » fit-elle, en s'adressant au poète, qui s'était levé en même temps qu'elle. « Voulez-vous venir dans le petit salon ? Nous y serons mieux pour causer. » quand ils furent assis tous deux sur le canapé de cette espèce d'antichambre, elle lui dit à voix haute « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu notre amie, Madame Comanff ?» Puis à voix basse « Qu'as-tu, mon amour ? Que se passe-t-il » « Il y a, répondit René en étouffant sa voix, que je sais tout, et que je suis venu vous dire que vous êtes la dernière des femmes. Ce n'est pas la peine de me répondre. Je sais tout, vous dis-je. Je sais à quelle heure vous êtes allé dans la maison de la rue du Mont-Tabor et à quelle heure vous en êtes sorti. Et qui vous y avez retrouvé. Ne mentez pas. J'étais là. Je vous ai vu. C'est la dernière fois que je vous parle. Mais vous entendez, vous êtes une misérable. » Suzanne s'est vantée tandis qu'il parlait. L'émotion du coup que lui avaient porté ces soudaines paroles ne l'empêchait pas de sentir qu'il fallait à tout prix couper court à cette scène avec cet amant affolé, qui visiblement ne se possédait plus. Elle se pencha du côté de la loge et elle appela son mari. « Paul, dit-elle, voyez donc si la voiture est avancée. Je ne sais pas ce que j'ai, si c'est la chaleur de la salle, mais je viens d'avoir un étourdissement. Vous m'excuserez, monsieur Vinci. » « C'est extraordinaire, disait Maurène au poète, qui dut sortir de la loge avec le mari. Elle avait été si gaie ce soir. Mais ces salles de théâtre sont si mal aérées. Elle aura été désolée de n'avoir pu causer avec vous davantage. Elle admire tant votre talent. Revenez nous voir. À bientôt, cher monsieur. » Et il secoua de nouveau, avec sa force habituelle, la main du jeune homme, qui le regarda disparaître du côté du vestibule où se tenaient les valets de pied, attendant leur maître. Les premières mesures du cinquième acte de Faust commençaient à se faire entendre. Il eut un nouvel accès de rage, qui se soulagea par ce mot jeté presque à voix haute dans le couloir maintenant désert. « Ah, je me vengerai !» Fin de la section 33, lue par Margot.